Est-ce que nous pouvons les encourager par les acclamations? Gloire, gloire au Seigneur. Alléluia. Les danses comme ça, il n'y a pas chapaka rom takatif. Alléluia. Nous invitons la chorale de Kampumpi. Je pense que le groupe est déjà là. Ok. Nous les encourageons aussi par les acclamations. Que Dieu vous bénisse, les choristes. On vous donne 7 minutes. Hein? Amen, amen. Bonsoir, Église dédiée. Est-ce qu'on est au PPA? Et puis à côté. Léon est chicoué à Foura, ça n'a pas été donné, c'est une Foura. Aujourd'hui, dans la chambre haute, on va élever les noms de Dieu. Tout à moi, t'as chou qui a été mis. A ta tête n'a pas qu'à. Mais déjà, chaque unité. Amen. Okay. Allez-y. Papa, Wambinguni. Shusha mukono wako watu wakujue baba watu fuzwe jina lako aba ni baba baba baba nyoshe mukono baba watu wakujue Walisi fuji na lako yema baba yangu baba wa mbinguni baba yangu shusha mukono wako watu wakujue walisi fuji na lako baba yangu baba wa mbinguni nyosha bwana nyosha mukono wako Watu wakujue Walisifu Bwana Walisifu jina lako Baba wa mbinguni Baba baba baba Nyosha mukono wako baba Watu wakuone baba Walisifu jina lako Baba Baba wa mbinguni Nyosha mukono wako Watu wakuone baba Watibu jina lako Yema baba yawe Baba wa mbinguni Baba nyosha Nyosha mukono wako Watu wakujue Ifu Walisifu jina lako Baba yawe Eva, Nyosha, Nyosha, mukono wako Ewa, je Watu, walisifu Walisifu, jina lako Baba wa mbinguni, tunakuomba Utende leo Bisa, bouge Bouge, bouge Est-ce qu'on peut verser pour Jésus? Baba, tunakuhitaji, shuka utende leo Baba, tunakuhitaji, shuka utende leo Baba, tunakuhitaji, shuka utende leo Baba, tunakuhitaji, shuka utende leo Uitaji, shuka utende bana Baba, tamu itaji, shuka utende Shuka, shuka utende leo Shuka utende Shuka utende bana Shuka utende Shuka utende bana Shuka utende Shuka utende bana Shuka utende Ale shuka Sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, Ale suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, Baba, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, Lelo milele mungwa barakani Yesu. O milele o milele mungwa barakani. Jordan, Jordan, Salaboy, Salaboy. Peba, peba, peba, peba, peba, peba. Est-ce qu'il y a des milolo, milolo, milolo? Eh eh wa milele milele mungwa baraka ni bwana Yesu. Eh wa milele milele mungwa baraka ni bwana Yesu. Wa milele milele mungwa baraka ni Yesu. Eh wa miujiza miujiza mungwa baraka ni bwana Yesu. Wa milele milele mungwa baraka ni On va dire à Jésus. Ah, Beta Linda, Beta Linda, Beta Linda, Beta Linda, Beta Linda, Beta Linda, ah, Beta Linda, Beta Linda, Beta Linda, Linda, Linda, Beta Linda, Beta Linda, Beta Linda, Tombola, Linda, Tombola, Linda, Tombola. Dis ça, dans la maison de Dieu, tout s'écrie. Tout s'écrie. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi des rois, Jésus? Alléluia. Pourquoi nous sommes ici? Alléluia. Pourquoi nous sommes en ce lieu? C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu avait promis par ses prophètes. Il sacrifia le jour de la Pentecôte avec les disciples. Mais Pierre a déclaré, disant que cette promesse est pour vous. La promesse est aussi pour toi. Alléluia. C'est lui qui a reçu le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être libres dans la maison du Seigneur. Tu n'as pas chaque coup célébré ensemble. N'attendez pas qu'on nous exhorte. Nous devons être libres dans la maison de Dieu pour louer Dieu parce qu'il mérite. Alléluia. Nous invitons la chorale de Kamatanda, la chorale Sichar de la source Kamatanda. Est-ce que nous pouvons encourager le groupe pendant que le groupe s'approche? Après Kamatanda, c'est la chorale de Mivuka qui se prépare. Amen, amen. Y a-t-il de survivants en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui vit ce soir? S'il y a un vivant en ces lieux, j'aimerais que tu te tiennes debout pour célébrer le nom de ce bon Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est un cantique facile hein, dans les mimbos à Okovu qui dit seulement Mon koziwe, toua na tupa, fura ya du, ni ya ni. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ensemble ce cantique? Gloire à l'Éternel. Tu peux faire des mololo, mololo, mololo, mololo. Ah! Exagère encore avec des acclamations là où tu es. Yes. Mokosi we tuwa na tupa fura ya tu ni ya ni atungo za kwa neema na ana tu shibi tazama tazama yuko pango chana shide maizai shaka oh ale Mupenda Mungu aliye tu komboa vizuri ku wa mutu wake sitapote yaka vizuri Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amina. Ikiwa zama nyingi na jua likifichwa na tukija ribi wa huku twajua ni kwangu mbinguni mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala majozi tena oh ale haleluya ale ale oh haleluya tu peux faire le mololo mololo pour le Dieu puissant est-ce que tu peux exagérer avec les mololos, tu danses ensemble avec nous. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie ce soir. Si tu vis, ce n'est que par sa grâce. Alors nous sommes en train de le célébrer par nos cantiques. Nous le célébrons parce qu'il en est digne. Mololo. quelqu'un qui peut célébrer ensemble avec nous par nos pas de danse. Pour le roi de roi. Bon souvent, mais vous comme un bosso. Oui, tout l'an qu'il est. Allez, ça, ouais, sous. A vous comme un comment. Ou bien pour le gars. Souvent, il y a un bossi. Rétablissement. Encore une fois. Bon souvent, mais vous comme un bosso. Oui, tout l'an qu'il est. Allez, ça, ouais, sous. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer le Seigneur? Tu peux d'abord pousser des cris de joie. Alléluia, que Dieu soit loué. Nous on respecte le temps, nous invitons la chorale de Toyota. Ok, pendant que la chorale s'approche, tu l'as encouragé Nabo. Gloire au Seigneur. Sans commentaire, 7 minutes seulement. Oh, Tu peux pousser des cris de joie pour Jésus. Pour la côté Moubaridi. Est-ce que tu peux pousser pour Jésus? Bouger, bouger, bouger, bouger, bouger. Ah. Oh Jésus, si ta maman n'a coupé rien. Pour Jésus. Oh, Minguni, tout Jésus. Taïba. Oh, Iba. Iba. Bono, si fiwe. Tunapika mikono sababu ya utukufu ya wetu Mungu. Pika mikono, pika mikono. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Tunaendelea na programme yetu sana yuko na kimbia mbio. Pendant que nous invitons la chorale de Jolicite, la grande chorale de Jolicite, mena penda est-ce que tu n'as pas eu s'il vous plaît, nous sommes dans la présence du Seigneur. Avant que la chorale commence à chanter, nous allons faire ceci, s'il vous plaît. Nous allons faire ceci. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Il y a une grande action de la puissance du Saint-Esprit ce soir. Nous allons, gloire, gloire au Seigneur. Nous allons nous communiquer la joie. Amen, amen. Avant que la chorale ne chante, nous allons faire ceci. Tu vas saluer ton frère, ta soeur. Apana kusema majambo yenu, abari, abari ya batoto, abari ya biflane. C'est ma tout. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu te touche, que Dieu te restaure, que la gloire de Dieu soit ton partage ce soir. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire au Seigneur. Des rendez-vous comme ça, il ne faut jamais rater. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe dans la présence du Seigneur. S'il faut danser, tiens-toi debout pour Jésus. Tu danses, s'il faut pousser des cris de joie, tu dois pousser pour ce roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, nous voulons monter dans des dimensions surnaturelles. Comme au jour de la Pentecôte, les disciples attendaient tous l'Esprit de Dieu. Nous aussi, ce soir, nous attendons que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse s'abattre sur nos vies ce soir. Alléluia. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu ce soir. Yes. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Ekumita ngo monokwe bimisa Oyo mote melinyo loba Nazala kisolo ako beba Katina yo nazo isika Nasopia nga malasi Liboso na yo mosatu Yes. Ekomite mo monokwe loba Oyo mote me linyo loba Na me mi anga malasi Liboso na yo mosa tuwe na yebi yo Yo sala kanza me amakasi na yebi yo Oti kakateba hoyo ya yo na yebi yo Oko sakate zambe fidele Zambe ya koye ma yesu Moninga malamu yesu Iyo merite lo ye monanga yesu Yeah. Papa ba pesa bilaka balaka ba kenda balaka lisungi Yesu kana zela kasi tango na yepa na yo na muri bolamu na yo obuse ni singa nyo sweleka na yebi yo na yebi yo Nous avons besoin de toi, Seigneur. Libère, descends ce soir, que ton esprit père, ta ressemble ce soir. Ô éternel Dieu, Yahweh, Seigneur Jésus. Oui, est-ce que tu peux commencer à continuer comme le jour de la Pentecôte? Il a répondu son esprit. Il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une personne qui peut balancer sa main? Non, est-ce que tu peux faire avec moi? Est-ce que tu peux disposer ton cœur afin que l'Esprit de l'Éternel puisse être disponible en ce lieu. Est-ce que tu peux continuer à les confesser? Grâce à l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est au milieu de nous. Oui, comme le jour de la Pentecôte, il a manifesté son Esprit. Est-ce que tu peux continuer à confesser? Il suffit juste d'ouvrir ton cœur. Non, ne le fais pas parce que je le demande, mais fais-le parce que Dieu est là. Comme un jour de la Pentecôte, remplis-nous de ton esprit. Comme un jour de la Pentecôte, équipe-nous pour la mission. Comme un jour de la Pentecôte, unis l'Église comme un seul corps. Comme un jour de la Pentecôte, manifeste la nature. Oh, au jour de la Pentecôte. Remplis-nous de ton esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Équipe-nous pour la mission. Alléluia. Équipe-nous. C'est pourquoi nous disons comme le jour de la Pentecôte. Unis l'église comme un seul corps. Unis l'église comme le jour de la Pentecôte. Merci Jésus. Manifeste le surnaturel en soleil. Manifeste le Pentecôte, remplis-nous de ton esprit. Comme au jour de la Pentecôte, équipe-nous pour la mission. Comme un jour de la Pentecôte, unis l'église comme un seul corps. Comme un jour de la Pentecôte, manifeste le surnaturel. Est-ce que tu peux acclamer la gloire de l'Éternel? Alléluia. Amen, amen. C'est sans commentaire, n'est-ce pas? Nous invitons la grande chorale de la sous-centrale. Est-ce que tu peux encourager la grande chorale habillée pour la gloire du Seigneur? Merci Jésus. Est-ce que tout le monde peut accorder pour la gloire de Dieu? On peut exagérer avec les milolo, les milolo, les milolo. Est-ce que nous avons bien tout voisin? C'est maintenant, mais ta chimama nous chez Mungu. Leo ni siku ile Yesu alitutumia Roho Mtakatifu. Biblia inasema vous n'êtes pas charnel mais vous êtes esprit. Donc en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Est-ce que vous pique quoi qui quelle quelle? Est-ce que un esprit peut Jésus acclamer? Voilà sabala sabala sa. Voilà sabala sabala sa. Voilà sabala sabala sa. Voilà sabala sabala sa. Est-ce que tu peux vous être voisin? Mets-toi mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. On attend Dieu colo. Alléluia, on attend Dieu colo. Amen, amen. On attend Dieu colo. On attend mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. On attend Dieu colo. Amen, amen. On attend Dieu colo. On attend. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. On a tendu au colo. Amen, amen. Amen, amen. Natondi okolo. Wana zambe. Alleluia, natondi okolo. Amen, amen. Oh, akoza zonga Yesu ame ame atundi oku wana zambe haleluya atundi okolo ame ame nalingiye nalingiye nalingiye Yesu yo andenge okumisinga nalingiye nalingiye nalingiye Yesu yo andenge okumisinga nalandenge okumisinga Zakinga na zero, o komisinga eroe. Talandenge o komisinga. Oloba, o zakinga na neya, o komisinga tiawa. Talandenge o komisinga. O zakinga na zero, o komisinga tiawa. Talandenge o komisinga. O zakinga na se, o komisinga tili kolo. Talandenge o komisinga. Chakua leo mimi na chakua masia Likina yoka chakua Tokomba dela Okay. Oh chakua leo mimi na chakua masia Naso yoka te Chakua leo mimi na chakua masia wewe baba chakua wewe mama chakua leo mimi na chakua masia wewe chene chakua wewe mtoto chakua leo mimi na chakua masia oh chakua leo mimi na chakua masia oh chakua leo mimi na chakua masia wewe baba chakua wewe mama chakua leo mimi chakua leo Personne, Léo. Achi achi mama, achi acheza, achi apika kelekele, achi apika kwata, achi apika tamikon, tangouturianza. Est-ce que tu peux acclamer correctement pour Jésus? Pour Jésus! Jésus! Jésus! Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Amen, amen. C'est pourquoi safari ya mbinguni, il faut ukazi. Alléluia. Nous invitons la chorale Holy Praise. Et pendant que la chorale s'approche, nous acclamons Jésus. Alléluia. Le temps file vraiment. Yetu ni aleo. Yakeshwana yetu. Yetu ni aleo. C'est pourquoi s'il faut danser, danse. Du mungu na yeye. Akuone mangaribi ya leo. Alléluia. Je pense que c'est presque la dernière chorale. J'exhorte celui qui n'a pas encore chanté dans ce chorale ya Bishoi ya mangaribi ya leo. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer là où tu te trouves? Gloire au Seigneur, j'aime tellement le Saint-Esprit. Un jour, je lisais la Bible dans Matthieu, on dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. J'ai dit à Papa Elvis, on a dit, ressuscitez les morts. On n'a pas dit une femme ou un homme. Non, tu vois, il y a une mort physique, spirituelle. Non, non, ici on a dit, ressuscitez. Le Saint-Esprit ne doit pas se limiter à parler en langue. Alléluia. Cette décision qu'il doit prendre, cette Pentecôte, je pense que dit à Dieu de monter à toi. Alléluia. Ou pas de ma toi. Pas tout bien dans ma problème, Yami. Il y a ceux qui expérimentent la puissance du Saint-Esprit et ceux qui manifestent. Et toi, tu es de quel côté? La solution entre tes mains. Alléluia. Nous allons implorer le Saint-Esprit avant de danser. Sauver pour le Seigneur, nous devons manifester dans ta maison, manifeste le Saint-Esprit. Dans ton mariage, manifeste le Saint-Esprit. L'enfant malade, tu peux prier pour lui et à la guérison. Tu as un problème de son dans le travail, tu te lèves et Dieu peut faire quelque chose. Pendant ce moment, implore le Saint-Esprit, dis à Dieu, il Pentecôte, il chicoa tout ça. Feti tu inapita mina kuria mina kunwa Mungu ni jazi weku. Que tu me remplisses. Seigneur, remplis-moi. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Dans les psaumes 23, on dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et cette coupe va déborder, Seigneur, pour toucher des gens, pour toucher des vies, pour toucher ma maison, pour toucher mes enfants, pour toucher mon mari, pour toucher ma fille, pour toucher mon foyer. Et une femme qui a le Saint-Esprit, ah, je vous dis qu'elle est dangereuse. Alors implore le Saint-Esprit avant qu'on puisse se louer ensemble. Monte en prière. Ce petit moment, tu peux résoudre un problème. Déclare ça dans ton cœur. Il est vivant, descend les bouches. L'Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, Esprit. Je sais que, Seigneur, même si la nuit dure, le soleil finit par apparaître, Seigneur, que ce soir, tu nous remplisses. Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne dans ma vie, règne dans mon corps, règne sur mes enfants, dans ma vie, Esprit règne. Que ta vie change. Pendant que tu chantes, reçois la plénitude du Saint-Esprit. Pendant que tu chantes, reçois la guérison. Pendant que tu chantes, ressuscite au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est vivant. Il est vivant. Alléluia! Yes, ami. Misi mutashima maka loko tutacheze ya Mungu bolingo na Yesu eleki mingi oboki kotele masiko ozali eza mokolo a feti. Alleluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il danse pour Dieu, il loue le Seigneur, il est tellement merveilleux. Bolingo na yo eleki mingi, gloire à Jésus. Thank you. moko. Tu m'as aimé avant même la fondation de ce monde. Ya ya eh, mon mon ani pena, salabo, salabo, salabo. Nous sommes bénis ce soir. Alléluia. Tu n'as pas de kuita kora lingine inafika psasa. Le faraja ya ku église Philadelphie ya kikula. Nabo bana karibia mbio mbio tunapenda tusifu Mungu pamoja na. Chorale Philadelphie de Kikula. Rapidement, on n'a pas de temps. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, Moutou Saïdi et Kokoral Philadelphie, Moukoué tout directement au Koumouko, Mouanzié, Mambote, Pakapa. Ça va une minute, Ishakouenda, ça. Venez simplement ici. Alors, nous pouvons les encourager pendant que Banetika Kokaribia, gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, chorale Philadelphie. Nous avons Babariki, nos acclamations. Jésus, merci. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Tu as balancé mes cornes, Dieu, gloire à Wetu Mungu. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, il n'en a moyen, yo. Mungu a suffié ça. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà pourquoi nous voulons accorder le temps à papa surintendant pendant qu'il s'approche l'hôte de la manifestation. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Hali ya furaha. Uweza kupata nafasi mbele ya uwepo ya Mungu. Ya lazima kabisa katika maisha. Haina tu kumwachia Mungu nafasi na kumwacha Mungu aongoze maisha yetu. Amen. Kama tunamwachia nafasi, maana yake tunafungua dirisha moja. Kama tunamwacha Mungu kuongoza maisha, il arrange tout ce qu'il faut. Yako natengeneza jambo lolote. Et ce jour, il est particulier. Na ile siku ya leo inakuwa ya upekee. C'est le jour de la Pentecôte. Ni siku ya Pentecosta. Où nous commémorons la Pentecôte. Tunashangilia Pentecosta. Ce n'est pas moi qui prêche. Aina mimi niko nahubiri. Et je pense nous serons encore édifiés par la parole de Dieu tantôt. Tutaweza kukamilishwa tena dakika mfupi kwa sauti ya Bwana. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Na tunabariki Mungu kwa ajili ya ile. Pour sa grâce au milieu de nous. Kwa ajili ya neema yake katikati yetu. Alors avant de continuer, je voulais recevoir quelques invités. Kabla ya kuendelea, napenda kwanza kupokelea kwa walika chache. Et recevoir les visiteurs qui sont au milieu de nous. Na kupokea wageni wako katikati yetu. Alléluia. Amen. Si c'est votre première fois d'être là, levez la main là où vous êtes pour le recevoir. Si c'est votre première fois d'être au milieu de nous, ne vous gênez pas, levez la main. Nous voulons vous recevoir avec amour. Tenez-vous debout, est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer correctement? Est-ce qu'on peut les saluer correctement? Nous saluons nos frères et nos sœurs. Est-ce qu'on peut les saluer encore? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous serons dans la joie de vous recevoir encore au milieu de nous une autre fois. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Amen. Amen. Je voulais aussi recevoir quelques hommes de Dieu, quelques invités qui sont là. J'espère que mon protocole est avec moi. Tanzania, protocole est pamoja nami. Amen. Amen. Je voulais recevoir le couple pasteur Olivier Mufweji. Qui est venu de Kolwezi, papa Olivier et maman Rose. Est-ce qu'on peut les recevoir dans la joie au milieu de nous? Kolwezi est devenue une ville très compliquée. Dans le pays, finalement, dans le monde, on ne sait plus ce qui se passe à Kolwezi. Nous bénissons les Seigneurs pour leur présence. Ils font un bon travail. J'étais là au quartier latin. Et vraiment, que Dieu les soutienne dans leur ministère. Et je continue à prier pour eux. Que Dieu vous bénisse, pasteur et maman. Est-ce qu'on peut les acclamer pendant qu'ils s'asseyent? À côté d'eux, il y a aussi un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Qui est un enfant de la maison. Eux aussi sont des enfants de la maison. Et quand je suis à Kolwezi, vraiment, je suis attaché à eux. Nous avons aussi un autre bien-aimé. le prophète Barak. Est-ce qu'il peut s'élever? On peut le recevoir. Maintenant, aussi. Merci, prophète, que Dieu te bénisse. Il a travaillé ici pendant la semaine, tout comme le pasteur Olivier. Et lui, il est à Lubumbashi. Tout près de l'arrêt docteur, c'est ça? Ceux qui connaissent l'arrêt docteur, vers Kassapa, vers l'université. Amen. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour leur présence. Le couple pasteur Kyungu qui est là. Avec maman Annie, est-ce qu'il peut vous célébrer aussi? Nous voulons le recevoir dans la maison de Dieu. C'est notre pasteur de Mivuka qui fait aussi un bon travail. Et nous continuons à soutenir le travail qu'il est en train de faire. Merci, veuillez vous asseoir. Il y a le pasteur Mouema. Est-ce qu'il peut se lever aussi? Nous allons le saluer. Que Dieu le bénisse. C'est un enfant de la maison. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous avons le couple de notre ancien Ditu de Kampumpi et Mama Aimée qui sont là. On peut aussi les saluer. Ils représentent l'église. Merci de vous asseoir. Nous avons le prophète Ali Kandolo. Il peut se lever aussi. Nous voulons les saluer. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons le couple pasteur Congolo et maman Léonie. Je les ai présentés. Je ne sais pas si je dois les présenter. Est-ce qu'on peut les saluer? Ça fait longtemps que je les ai vus. Je les aime beaucoup de toutes les façons. Amen. Papa et maman, veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Il y a aussi une maman que j'aime bien qui est là. Je suis dans la joie. Maman Marie Mwamba. Karibu San. Est-ce qu'on peut acclamer ma maman? Est-ce qu'on peut la recevoir? Oh maman, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie pour ce que vous êtes pour nous. À côté, il y a pasteur Emmanuel. Papa Emma, est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. J'espère que je n'ai pas oublié. Et puis, je vais présenter un homme que j'aime beaucoup, qui nous bénit. C'est Monsieur Chibangu Simon. Est-ce qu'il peut s'élever? On peut le recevoir aussi. Que Dieu le bénisse. C'est lui notre directeur ici à l'ICASI de la Jekamine. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. C'est bien d'avoir des hommes de Dieu à certaines fonctions. C'est très très important. Je vous dis. C'est bien de connaître le Seigneur. La Bible dit, quand le juste se multiplie, hein? Ok. Et quand les méchants se multiplient aussi, chaos. J'ai dit d'abord ok, et puis maintenant je dis chaos. Alors il faut que les justes se multiplient dans le pays. Et partout où nous sommes, pour que le Seigneur soit glorifié. Voilà les quelques invités, à moins que j'ai encore d'autres qui viennent, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Je sais que c'est la Pentecôte, c'est la fête aujourd'hui. Alors, chez nous, à Sous-Fécond, nous avons l'habitude pour certaines fêtes de donner l'occasion à toute l'église de fêter. Alors, il y a des chorales circonstancielles. Donc ne suivez pas tellement les do, les ré. Bon, voilà, ils vont chanter comme ça. Donc il y a des mamans. Les mamans de l'église vont chanter. Non, ne leur tenez pas rigueur. Hein. Non, là, ils n'ont pas respecté la gamme. On les laisse chanter, là il n'y a pas de problème. Les papas aussi vont chanter le tour. Bah dégamé, bah régamé, bah imbe muzuri, na kileya, awabana. Non, l'essentiel est qu'ils puissent chanter. Ça fait partie de la fête. Na inakua tena ni hali ya karamu. Mais respectez quand même le temps. Nous vous donnons 5 minutes. Dakika tano tano tu. Bah maman, c'est ma panne. Mon affaire tout. Les mamans, ne prêchez pas ou ne parlez pas. Venez avec moi pour chanter. Les prédicateurs vont prêcher tantôt. Alors nous voulons leur donner aussi les occasions pour qu'ils puissent bénir le Seigneur pendant quelques minutes. Alors, vous vous alignez déjà. Je commence avec les mamans de l'église sous féconde qui ont voulu chanter pour Dieu pour la Pentecôte. Après, il y aura les mamans de l'éducation chrétienne. Et après, il y aura les papas aussi de l'éducation chrétienne. Et les autres papas peuvent s'associer à eux. Qui alors gagnons le temps. 5 minutes. Je remets la parole au modérateur. Et pour continuer la suite juste après. Amen. Thank you. Seigneur. Gloire. Jésus. Merci. Alléluia. Tunaita Coralia. Et groupe. Il y a éducation chrétienne. Ba maman. Nabo bana Caribia. Tunabariki Mungu pamoja nao. Les mamans de l'éducation chrétienne. Les mamans, éducation chrétienne, rapidement s'il vous plaît. Amen, amen, amen. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ça le mouvement de l'Esprit Saint. Amen, amen. Alléluia. Nous invitons les papas de l'éducation chrétienne. Bana changana na ba papa. Ba papa betu ba sikuyote. Ba vieux loup. Alléluia. Vous n'avez que 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes seulement. Moukouyen, rapidement, les papas, les papas, les papas. Nous poussons des cris de joie pour les papas. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter la chanson Alléluia. Pour cet immense Jésus. Bonheur. Ah, ok. Papa, on a fait un peu de malheur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant 5 minutes seulement? Nous voulons louer, danser pour Jésus. Come on! Yo, bina kawapi, oyemba kawapi, bisoka yemba ka awa, awa dans la présence de Dieu. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo solo e. Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo, ah, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Bolingo. Solo yon de bolingo, bolingo. Ah, Yesu, Yesu aza bolingo. Yesu, Yesu, Yesu. Ce qui est de mon susurran. Alléluia, mon susurran. Boko loko zonga Yesu nangaye. na bokwa na bujito pe na moye na yebite oh oh kasi na yebi kelele ko beta na musika na komata kokutana na mobaliye yali bala yesu bolingo yesu yesu bolingo yesu bolingo yesu bolingo yesu bolingo bolingo mobaliye yonga na lula kala yesu bolingo Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Gloire, pendant que nous invitons, papa. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Papa, on avait pas joueur professionnel. Bon. Papa ne sont pas des joueurs professionnels. On n'avait pas joueur professionnel, mon équipe. Ils ont pris quelques joueurs. Ils ont... Compliqué. Oh, c'est compliqué avec les papas. Alléluia. Ok, j'aimerais recevoir un homme de Dieu qui est arrivé. Le Bishop Saitondo. Bishop Saitondo. Et là, est-ce qu'il peut s'élever, on peut le recevoir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Merci Bishop, que Dieu vous bénisse. Santé Baba, veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous voulons, non, c'est mieux qu'on passe aux offrandes maintenant pour que je laisse l'orateur libre pour le travail. Alors nous voulons passer aux offrandes. J'aimerais dire quelque chose avant d'offrir. Qu'est-ce qu'une offrande par rapport à la vie que Dieu me donne? Parfois, j'entends beaucoup de débats. Mais apprenons à honorer le Seigneur. Vous savez, dans ce monde, les gens dépensent l'argent. Bon, je ne vais pas seulement dire vraiment le terme que je voulais dire. Nous voyons même pendant des fêtes, les gens jettent des billets. Quand je vois ça pendant les fêtes, les gens qui jettent des billets par terre, je me demande s'ils iront au ciel. Alléluia. Amen. Apprenons à servir Dieu avec notre offrande. À travers l'offrande, il y a une guérison qui vient. À travers l'offrande, il y a une visitation divine qui vient. Bien-aimé, regardez Abraham. Il a marché avec le Seigneur. Il était élevé. Et Dieu lui a même donné un enfant. Mais c'est quand Dieu lui a dit, je veux que tu m'offres ton fils, celui que tu aimes. Donc, Dieu a même précisé la nature de l'offrande. Il n'a pas laissé Abraham le libre choix. Quand il avait dit à Abraham, offre-moi ton fils. En tout cas, ce n'était pas Isaac. C'est l'autre. Ismaël qui devait passer. Ismaël ne pas. Mais Dieu a dit non, je veux. On je veux Isaac. Donc parfois même dans les offrandes, Dieu te donne, te met à cœur de faire une offrande particulière. Et quand Abraham a obéi. Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Et la vie d'Abraham a changé depuis qu'il a fait ce geste. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Alors, nous allons prier avant d'offrir. Que tu dis, Seigneur, c'est ma buana, pour tout ce que tu fais, kwa yote ukunanifania, pour toi, kwa ajili yako, je te donne cette offrande. Mina kupatia I sadaka. Je te donne cette offrande. Nakutolea I sadaka. Cette semaine, j'ai appris des choses extraordinaires. Juma, nilijifunza vitu ya ajabu kabisa. Quand Dieu a rencontré Gédéon, wakati Mungu alikutana Gideoni, la première mission, ce n'était pas d'aller travailler ou d'aller faire la mission. C'était l'adoration. Par les offrandes. Ça, si tu comprends ces choses dans la vie, tu verras que Dieu va commencer à te protéger, à te soutenir dans tout ce que tu fais. Alors nous fermons nos yeux. Tu prie toi-même pour ton offrande. Pendant que la chorale se prépare, on n'a pas beaucoup de temps. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Bénis l'offrande que je vais faire. Et que les portes du ciel me soient ouvertes. Au nom de Jésus. Jéhovah, merci. Sante Yehova. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces offrandes. Sante kwa sadaka hiyo. Nous allons le faire de tout cœur. Kwa moyo wote safi. Pour glorifier ton nom. Ili jina lako litukuzwe. Pour glorifier ton nom. Jwa kutukuza jina yako. Seigneur, sois béni. Bwana ubarikiwe. Sois élevé. Na uinuliwe tena. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amina. La chorale nous accompagne. Waimbaji mtushindikize na wimbo. Et cher protocole, aidez-nous à faire des choses correctement. Malinda amani mtusaidie tufanye kazi vizuri. Merci. Alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Jésus. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu merveilleux. Oui, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu merveilleux. Oh, tout puissant, oui, merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu merveilleux. Tout puissant, merveilleux. De la poussière est-il le pauvre, du fumier élevé l'indigent. Notre Dieu tout puissant, notre Dieu merveilleux. Il essuie mes larmes, il pardonne mes fautes. Notre Dieu tout puissant, notre Dieu merveilleux. Oh, notre Dieu tout puissant, notre Dieu merveilleux. Merveilleux. Notre Dieu tout puissant, notre Dieu merveilleux. Hosanna, notre Dieu tout puissant, tout puissant, notre Dieu merveilleux. Merveilleux. Il est le roi, il est merveilleux. Quand je plaigne, il me console. Quand je tombe, il me relève. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu merveilleux. Il relève ma tête devant ceux qui me complotent. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu merveilleux. Oh, notre Dieu est tout puissant, oui, tout puissant. Merveilleux, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu merveilleux. Hosanna, notre Dieu tout-puissant, tout puissant, notre Dieu merveilleux. Merveilleux. Notre Dieu tout-puissant, notre Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia, maladie ressuscite le monde, il est présent pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Parce que Jésus fait encore. Pour la grâce de nous faire participer à cette adoration. Nous nous recommandons entre tes mains. C'est pourquoi nous voulons chanter Kololinginga Mingi. Nous voulons que nos cœurs soient tournés vers toi pour t'élever et t'adorer. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous avons fait 10 jours de prière. C'est comme ça qu'on appelle 10 jours de chambre haute. Après la résurrection de Jésus-Christ, de la Pâque à la Pentecôte, c'est 50 jours, c'est vrai. Mais pendant 40 jours, Jésus est resté sur la terre pour donner les preuves de sa résurrection. Et il est apparu à plusieurs personnes par groupe à chaque fois. Après 40 jours, il est monté au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Mais de l'ascension à la Pentecôte, il y a eu 10 jours où il leur a dit de rester dans la chambre haute pour prier, pour attendre la promesse. C'est comme ça que nous avons pris 10 jours de chambre haute. Et aujourd'hui, c'est le 10e jour et le dernier jour. Il y a une promesse pour toi dans ta vie que Dieu veut réaliser. Alors dispose ton cœur maintenant. Prépare ton cœur pour la semence qui est en train de venir, qui va transformer ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. ozali zambe na mawa ngana vivre bolingo na yo bolingo na yo pona nga etindi nga ina merci. Alléluia. Oh merci. Oh gloire à toi. Alléluia. Tu nous as ramassé là où nous étions. Tu nous as fait grâce. Tu nous as purifié. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. de ce soir. J'aimerais remercier les bien-aimés qui ont travaillé pendant toute la semaine. L'apôtre Samuel qui est venu de Tanzanie et qui est rentré le jeudi. Il y a le prophète Barak qui nous a bénis le jeudi. Et le matin, il a terminé chez lui à Lubumbashi. Il est venu pour clôturer avec nous. Que Dieu te bénisse pour cette marque. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Et après lui, il y a le pasteur Olivier. qui a travaillé samedi et qui est venu avec son épouse de Colésie et qui a accepté de clôturer avec nous pour rentrer encore demain. Ils sont venus même avec un bébé de 3 mois. Hey, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je suis dans la joie de recevoir Mama Jolie. Elle peut s'élever. Est-ce qu'on peut la recevoir au milieu? Vous allez la découvrir bientôt. Mais je vous d'abord la présenter. Elle. Merci maman, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alors ce soir, c'est un homme de Dieu très bien. Qui enseigne très bien. Que Dieu utilise puissamment. Et qui fait en même temps le service. Et depuis un certain temps, Dieu a commencé à l'élever. Nous croyons dans son Dieu et dans l'onction que Dieu lui a donnée. Et nous voulons encourager cela. Son sérieux, sa fidélité envers le Seigneur et son amour pour nous. Je l'ai connu l'année passée. Et depuis lors, mon cœur s'attache à lui. Il y a toujours des gens comme ça dans la vie. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que tu rencontres qui disparaissent. Il y a des gens que tu rencontres qui marchent avec toi pour un temps. Et il y a des gens que tu rencontres qui marchent avec toi pour toujours. Alléluia. Amen. Alors, apprenons à garder les relations. C'est important dans la vie. Alors, la technique va nous aider à présenter cet homme. J'espère que tout est en ordre avant que nous puissions lui donner le micro. La technique. Le prophète Jado Mamba est de la partie pour ces 10 jours de la chambre haute qu'organise l'église Source Féconde. Né un certain 21 mars d'une certaine année, le prophète Jado Mamba a donné sa vie à Jésus depuis son jeune âge jusqu'à s'attacher aux activités chrétiennes durant son parcours. Titulaire d'une licence en gestion financière de l'université de Lubumbashi, le prophète Jado est marié à ses jours à Mama Jolie Mwamba avec qui il a une jolie fille. Prédicateur de l'évangile, conseiller spirituel et encadreur dans plusieurs domaines parmi lesquels le ministère, la politique, la vie conjugale, l'entrepreneuriat. Le prophète Jado est également président fondateur de l'ONG Agapao œuvrant à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Pendant que je suis en train de parler, j'étais bu également. J'étais bois à genoux. Mais pendant que j'étais bois à genoux, j'ai bu plusieurs personnes. Donc. Et ce sont les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que j'ai bu juste à tes côtés un homme par terre. Et il y avait des gens qui étaient en train de pleurer. Et j'ai bu ta mère qui était en train de pleurer en disant, plutôt comme tu es parti, qui va prendre en charge la famille? Voici. Amoureux de Christ, passionné de la méditation de la parole de Dieu, le prophète Jado a une vocation au ministère prophétique et il est également doté d'une grâce particulière lui permettant d'orienter des vies selon la parole de Dieu et d'exercer avec précision et puissance dans le prophétisme. Église Source Féconde, lèvons-nous et accueillons ensemble l'homme. Église Source Féconde, lèvons-nous et accueillons ensemble l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je parle de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus? Je m'étonne que tu sois assis alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut ajouter un peu de Milolo? Un peu de Mikelekele? Un peu de cris de joie? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux monter encore? Tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux ajouter un peu de mots? Les dieux de la Bible, les dieux de sa porte, les dieux de sa porte. Kawanga tamolongolongo akambo ekambo, mwana tawangeza, lesa wamba mulungulungu atambo etepole. Les dieux de sa porte, les dieux de sa porte. Les dieux de la Bible, les dieux de la chambre haute, Kawanga tamolongolongo atambo etepole. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a mille moyens de délivrer son peuple. Il peut te délivrer pendant que tu es en train d'acclamer. Il peut t'exaucer pendant que tu pousses des cris de joie. Il peut t'exaucer pendant que tu seras en train de prier. Il peut t'exaucer pendant que tu seras en train d'écouter la parole. Il a mille moyens, il a mille moyens. Dieu de la Bible, Kambasu kutukutukutu wakambu etambo, Wangesi mulungu watembolungu watanta wantemote. Wow. On va se rasseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur bénira la vie d'un homme ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je suis dans la joie de donner cette parole devant ce peuple de Dieu. Je crois que le Seigneur te parlera ce soir. Et alors que j'étais en train de réfléchir, en train de prier, en train de préparer mon enseignement, j'étais en train de dire en moi-même, quel est le message que je vais donner alors que tous les bishops ont déjà prêché avant moi, tous les prophètes, les apôtres, les docteurs ont enseigné la parole. Et je crois que le message de ce soir sera peut-être une répétition, peut-être un rappel. Lorsque vous lisez la Bible, il y a ces livres que nous appelons Deutéronome. Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Dans les chapitres de ta vie, lorsque Dieu commence à répéter les mêmes choses, tu dois savoir que Canaan est proche. Lorsque Dieu commence à te rappeler des messages qu'il t'a donnés autrefois, les prophéties qu'il t'a données autrefois, tu dois savoir que tu es proche de la promesse. À chaque fois que Dieu veut bénir un homme, il répète les mêmes choses, il répète les mêmes enseignements, il répète les mêmes prophéties. Et ce soir, Dieu va répéter les mêmes choses parce que tu es proche de ton élévation. Est-ce qu'on peut me dire amen? Je dis merci à Dieu pour les pasteurs Désiré ainsi que maman Elvie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. Comment tu as fait pour que tu te retrouves sur une affiche avec un papa? Nous, on sait que les papas n'invitent pas les jeunes. J'ai dit, bon, c'est la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup et j'aime cette église. Merci aux anciens, merci aux organisateurs, merci à toute personne qui sert le Seigneur ici, en ces lieux. Merci au pasteur Olivier et maman Rose. Merci au prophète Baraka. J'ai vu un couple que j'aime énormément. Je les suis de loin. Papa et maman Congolo, merci beaucoup. Je suis en contact avec deux de vos fils, de vos enfants, les pasteurs Emmanuel et Rose. Rose à Lubumbashi, on se voit, les pasteurs Emmanuel en parle. Et très souvent, je vous vois. Et beaucoup de vos fils, on parle, de vos fils spirituels, les pasteurs, les prophètes Ali qui est là, Olivier, Mondela et les autres. Nous vous aimons beaucoup. Et je suis dans la joie de parler devant vous. Je dis merci à Dieu pour la vie de ma femme qui m'a accompagné. Jolie Mwamba, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je l'aime beaucoup et elle m'aide beaucoup. Alors, ce soir, je ne serai pas très long. Je crois que le Seigneur bénira la vie d'un homme. Ce soir, la Pentecôte, je vais continuer à parler de manifester la puissance de Dieu. Mais le thème, c'est prophète. Que dois-je faire pour manifester la puissance de Dieu? C'est comme une question qu'un homme, qu'une femme me pose ce soir. Prophète, on nous a parlé du revêtement, on nous a parlé de la puissance. Alors, homme de Dieu, dis-moi, que dois-je faire pour manifester la puissance de Dieu? Après avoir marché avec le Seigneur pendant tous ces temps, je me suis rendu compte d'une chose, qu'il n'existe pas de chrétiens maladifs, mais il y a beaucoup de chrétiens en manque de puissance. Il n'existe pas de chrétiens maudits. Il n'existe pas de chrétiens pauvres. Ta pauvreté est causée par une et une seule chose, le manque de puissance de Dieu. Aucun chrétien ne peut réussir dans la vie sans avoir une expérience avec la puissance de Dieu. Tu n'es pas bloqué, homme de Dieu. Tu n'es pas bloqué, papa. Tu n'es pas bloqué, maman. Mais il te manque une chose. La puissance de Dieu. Tu ne peux pas être stable dans le mariage s'il te manque la puissance. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans la puissance de Dieu. La puissance est le stylo qui écrit l'histoire des hommes sur la terre. Beaucoup de personnes qui ont réussi, beaucoup de chrétiens qui ont réussi, si vous lisez leur histoire, vous verrez que ces personnes ont été en contact avec la puissance de Dieu. Dieu ne marche pas avec les païens et les chrétiens de la même façon. Les païens peuvent réussir par la souveraineté de Dieu. Mais pour qu'un chrétien réussisse, il doit obéir au principe de Dieu. Tu ne peux pas réussir comme un païen. Dieu peut accorder à un païen un mariage que toi tu n'as pas. Il peut donner des enfants à un païen alors que toi tu es en train de rechercher la chose. Tout ce que Dieu fera dans ta vie doit trouver le respect d'un principe auquel tu seras en train d'obéir. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Il y a deux dimensions de puissance. La première dimension de la puissance, c'est Dieu sans l'homme. C'est une puissance qui se manifeste sans que l'homme ne soit cité. Dans la création, Dieu a manifesté la puissance sans la main de l'homme. Mais la deuxième dimension de puissance, c'est Dieu par l'homme. Le Seigneur a sauvé l'homme tout simplement. Il a sauvé l'homme à cause d'une seule chose. Il voulait inaugurer la deuxième dimension de puissance. Cette puissance qui doit passer par l'homme. Homme de Dieu, c'est quoi la puissance? La puissance, c'est Dieu par un homme pour un homme. C'est Dieu qui passe par un homme pour bénir un autre homme. C'est Dieu qui passe par un homme pour restaurer un autre homme. C'est Dieu qui passe par un homme pour qu'il soit un canal de bénédiction pour un autre homme. Et ce soir, le Seigneur m'a dit de parler de cette deuxième dimension de puissance. C'est cette puissance qui s'est manifestée les jours de la Pentecôte où Dieu était en train d'utiliser des hommes. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Mais l'homme que Dieu sera en train d'utiliser ce soir, c'est toi. Ce n'est pas celui qui est à tes côtés. C'est toi qui es là. L'homme par qui Dieu va passer ce soir pour manifester sa puissance. C'est quoi la différence entre les deux prophètes? La puissance sans l'homme libère la crainte de Dieu. Mais la puissance par l'homme libère la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi tout simplement parce que l'homme est entré en jeu. Avant l'homme, on ne parlait pas de la foi parce que le Seigneur voulait que la puissance passe par l'homme. Il a mis la foi. Dans Luc chapitre 1, le verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Cela veut dire que la possibilité est le domaine réservé à Dieu seul. Mais Dieu ne voulait pas garder la possibilité comme un domaine réservé à lui seul. Il accorde à l'homme la possibilité, il accorde à l'homme le pouvoir d'opérer dans la possibilité. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. La puissance avec l'homme libère la foi. La puissance sans l'homme révèle un Dieu redoutable. Mais la puissance par l'homme révèle un Dieu d'amour. Le Seigneur ne voulait pas que les hommes soient en train de dire qu'il est terrible, mais que les hommes disent également qu'il est le Dieu d'amour. C'est pour cette raison que Dieu veut que tu manifestes la puissance. C'est pour cette raison que Dieu veut que tu sois celui par qui la puissance va passer. Est-ce qu'on peut me dire amen? La puissance sans l'homme fait trembler la terre. Mais la puissance avec l'homme fait battre le cœur. Lorsque Dieu utilise la puissance sans l'homme, c'est la terre qui tremble. Mais lorsqu'il veut toucher le cœur des hommes, il utilise un être humain. Dieu va utiliser un être humain ce soir pour que ton cœur soit transformé. Dieu veut t'utiliser pour que les cœurs des membres de ta famille soient changés. Tu sais pourquoi les membres de ta famille ne viennent pas au Seigneur? Parce que tu n'es pas le canal par lequel le Seigneur passe pour que la puissance se manifeste. Une vie chrétienne sans puissance est un raccourci vers l'incrédulité. Tu vas abandonner le Seigneur si tu ne manifestes pas la puissance. Tu seras oppressé si tu ne manifestes pas la puissance. Tu ne peux pas réussir dans les études sans la puissance de Dieu. Tu ne peux pas réussir dans le ministère sans la puissance de Dieu. J'ai posé la question à mes pères, quel a été votre secret? Ils m'ont dit, fils, recherche la puissance de Dieu. Et ce soir, tu vas manifester la puissance de Dieu. Ce soir, tu vas manifester la puissance de Dieu. La puissance sans l'homme montre la grandeur de Dieu. Alors que lorsque Dieu passe par l'homme, c'est pour que sa grâce se manifeste. La puissance par l'homme démontre la grâce de Dieu. La puissance sans l'homme frappe, mais la puissance avec l'homme guérit. Dieu commence à guérir lorsqu'il a fait intervenir l'homme dans l'histoire de la puissance. Alors pourquoi Dieu choisit l'homme? Tout simplement parce que Dieu n'a pas besoin d'une démonstration, mais il a besoin d'une relation. Il passe par toi, tout simplement. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Dieu n'a pas besoin des personnes qui seront des spectateurs, mais il a besoin des partenaires. Dieu veut faire de toi un partenaire. Il veut que tu sois celui qui va travailler à sa place. Bien-aimé, prêt, pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Mais il se repose les jours où il crée un être humain. Tout homme qui refuse d'opérer dans la puissance refuse que Dieu se repose. Si vous ne voulez pas opérer dans la puissance, Dieu sera dans l'obligation de travailler. Le Seigneur Jésus a travaillé pendant 33 ans. Il se repose tout simplement les jours où il trouve des hommes qui peuvent continuer l'œuvre. Dieu t'a sauvé pour que tu sois un canal de puissance afin qu'il se repose. Il ne se repose pas à cause de la fatigue. Mais il veut faire de toi un partenaire dans la mission. Voici maintenant. Toutes les deux dimensions de puissance poursuivent un seul objectif, l'homme. La dimension, la puissance qui se manifeste par Dieu seul poursuit un seul objectif. L'homme. Et la puissance qui se manifeste au travers de l'homme poursuit également un objectif, que l'homme soit sauvé. Dieu libère sa puissance pour que l'homme soit sauvé. Il a créé Éden à cause de l'homme. Il a donné la loi pour diriger l'homme. Il a envoyé les prophètes pour restaurer l'homme. Il a envoyé les prophètes pour recadrer l'homme. Lui-même, il a pris la forme humaine. C'était pour sauver l'homme. Il est parti, il a dit, j'envoie un autre consolateur qui vient habiter dans l'homme pour diriger l'homme. Et à la fin de toutes choses, il reviendra encore pour habiter avec l'homme qu'il a sauvé. Tout homme qui n'est pas relationnel, tout homme qui n'aime pas l'homme, ne peut pas opérer dans la puissance. Tu sais pourquoi la puissance ne se manifeste pas là où tu es? Parce que tu es rancunier. Tu sais pourquoi tu ne peux pas manifester la puissance dans ton église? Parce qu'on te reproche beaucoup. Tu sais pourquoi tu ne peux pas manifester la puissance? C'est parce que tu as un problème de pardon. Tu sais pourquoi tu ne peux pas manifester la puissance? Parce que tu as un problème d'amour. Tu ne sais pas aimer alors que Dieu envoie sa puissance pour l'homme. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Et c'est ainsi que vous allez remarquer tous les grands miracles que Jésus a fait. C'est précédé par une phrase. Jésus émut de compassion. Sans compassion, il ne pouvait pas libérer la puissance. Sans compassion, il ne pouvait pas libérer la chose. S'il n'avait pas aimé l'homme, il ne pouvait pas accepter la croix. Tu n'aimes pas les membres de ta famille, c'est ainsi que tu ne peux pas libérer la chose. Wow. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut ajouter amen? Est-ce qu'on peut ajouter amen? Amen. Tu peux me jouer tout l'honneur. Alors, prophète, que dois-je faire pour manifester la puissance? Je vais donner une seule chose. il faut exercer son ministère et accomplir sa mission. La puissance, c'est la provision de Dieu. Mais cette provision est libérée à cause d'un plan que Dieu a. Mais ce plan, c'est un ministère et une mission que Dieu a pour toi. Je ne parle pas d'exercer son ministère ou accomplir sa mission. Mais exercer son ministère et accomplir sa mission. Vous allez vous rendre compte d'une chose. L'Église a réussi d'engendrer une génération de chrétiens qui ne connaissent pas leur mission. Encore, une génération de chrétiens qui ne veulent pas exercer leur ministère. Le problème a commencé à quel niveau? Le problème commence au niveau de la mauvaise définition que nous avons eue du mot ministère. Beaucoup de personnes ont défini le mot ministère uniquement dans le contexte d'Éphésiens 4 et 11. C'est que quand on dit ministère, on voit les pasteurs, les docteurs, l'évangéliste, l'apôtre et les prophètes. Le ministère signifie service. La mission signifie envoyé pour servir. Et Dieu libère sa puissance dans la vie de tout homme qui exerce son ministère et accomplit sa mission. C'est quoi la différence, prophète? Voici. La mission, c'est votre service envers les non-croyants. Le ministère, c'est votre service auprès des croyants. La mission, c'est votre service qui s'exerce dans le monde. Le ministère s'exerce dans l'Église. La mission, c'est Dieu qui travaille par vous, qui travaille en vous et par vous pour sauver les âmes. Le ministère, c'est Dieu qui travaille en vous pour vivre avec les chrétiens. Beaucoup de personnes ne manifestent pas, n'exercent pas leur ministère et n'accomplissent pas leur mission. C'est ainsi que Dieu ne peut pas libérer sa puissance au milieu d'eux. La mission, c'est l'ordre que Dieu donne aux hommes pour sauver les autres. Le ministère, c'est un don que Dieu a mis à la disposition des autres pour habiter avec les autres. Beaucoup de personnes se limitent dans leur service ici à l'Église. Vous êtes fort dans le domaine du ministère, mais vous ne voulez pas accomplir votre mission. Or, la provision de Dieu se déverse dans la vie des personnes qui exercent leur ministère auprès des croyants et leur mission envers les non-croyants. Bien-aimés frères, depuis que l'année a commencé, combien d'âmes tu as déjà ramené au Seigneur? Combien de personnes tu as parlé du Seigneur Jésus? Combien de personnes tu as ramené à l'église? Et j'ai toujours dit ceci, si tu as déjà fait 5 ans dans la vie chrétienne et que tu ne peux pas compter 10 personnes que tu as gagnées au Seigneur, tu es un aventurier spirituel. Dieu ne peut pas manifester sa puissance dans la vie d'un homme qui n'a pas le fardeau des âmes. Dieu ne peut pas manifester sa puissance dans ta vie si tu ne travailles pas à l'église. Écoutez, il y a une dimension de puissance qui accompagne uniquement ceux-là qui servent à l'église. Si tu refuses de servir à l'église locale, oublie la puissance. Dieu ne peut pas te donner la puissance tant que tu n'es pas attaché à un service. Dieu ne peut pas te donner la puissance tant que tu ne sers pas au milieu des chrétiens et envers les non-croyants. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'il y a deux manifestations du Saint-Esprit qui se passent dans toute la Bible. La première manifestation du Saint-Esprit accompagne ceux qui sont dans le contexte de leur mission. Le passage de Marc 16, 15 jusqu'au verset 20. Ces passages n'accompagnent pas ceux qui sont dans les contextes de leur ministère, mais dans les contextes de la mission. Est-ce qu'on peut me mettre ça? Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 18. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Alléluia. Ces passages n'accompagnent pas celui qui est dans le contexte du ministère, mais celui qui est dans le contexte de la mission. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte d'une chose. On parle de chasser les démons. Pourquoi? Parce que, en principe, on ne doit pas chasser les démons à l'église. Dieu parle de chasser les démons puisqu'il sait qu'il vous a envoyé dans le monde. Là, dans le monde, vous allez trouver des personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Mais pendant que vous irez dans le monde, voici les miracles qui vont vous accompagner. Vous allez chasser les démons. Si tu es à l'église, tu pries avec ces passages. J'ai pitié de toi. Parce que ton ignorance ne te donne pas accès à la manifestation. Le récipient de la puissance, c'est la connaissance. Dieu ne te donne pas la connaissance parce que tu pries. Non. Dieu ne te donne pas la puissance parce que tu pries. Il te donne la puissance parce que tu as la connaissance des principes. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Le Seigneur Jésus parle de parler de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Les nouvelles langues ici, ce n'est pas la diversité des langues comme dons spirituels. Les nouvelles langues ici, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. C'est une langue que le Seigneur vous donne pour la mission, pour l'évangélisation. Il sait que lorsque vous irez évangéliser, il se peut que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui parle anglais pendant que vous parlez swahili. Et Dieu dit, quand vous irez dans le monde, il y a une langue qui viendra pour que vous puissiez gagner les âmes. C'est la chose qui fait que les jours de la Pentecôte, une langue est descendue dans la vie des apôtres et ils ont commencé à parler. Ces personnes entendaient les disciples dans leur langue. Pourquoi? Parce que cette dimension accompagne ceux qui sont dans les contextes de leur mission. Suite. Et la suite? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Pourquoi? Parce que Dieu sait que lorsque vous irez dans le monde, il se peut qu'on vous propose à boire et la nourriture. Mais Dieu vous garantit un antipoison parce que vous êtes dans le contexte de l'air de votre mission. Beaucoup de chrétiens sont en train de mourir empoisonnés. Parce que vous n'accomplissez pas votre mission. Vous mourrez avec ces passages qui n'accompagnent pas ceux qui sont à l'église, mais ceux qui sont dans le monde. Beaucoup de personnes ne savent pas gagner les âmes. C'est ainsi que la puissance de Dieu ne peut pas vous accompagner. La puissance de Dieu se déverse dans la vie des personnes qui exercent leur ministère et qui accomplissent leur mission. Beaucoup de choristes ont chanté en ces lieux. Mais est-ce que vous sortez dehors pour gagner les âmes? Combien de personnes ont publié l'affiche de cette activité? Combien de personnes ont parlé du Seigneur Jésus pendant ce temps? Et tu veux que Dieu fasse de toi une femme puissante? Neba, ça ne peut pas se passer. Dieu ne peut pas déverser sa puissance dans ta vie si tu n'accomplis pas ta mission. Arrêtez de prier si vous n'avez aucun pardon des âmes. Désespérez dans l'histoire de la puissance si vous ne pouvez pas sortir pour gagner les âmes. Cette dimension accompagne uniquement ceux qui sont dans le contexte de leur mission. Bien-aimés frères, il y a beaucoup de versets bibliques que vous déclarez qui ne peuvent pas vous accompagner si vous êtes à l'intercession. Il y a beaucoup de versets bibliques qui peuvent vous accompagner que lorsque vous serez dans le monde en train d'évangéliser. L'évangélisation est un département qui est très combattu. En principe, on ne devait pas parler d'un département d'évangélisation. Tout croyant doit évangéliser. C'est parce que les chrétiens manquent les fardeaux. C'est ainsi qu'aujourd'hui dans nos églises, nous parlons d'un département d'évangélisation. Le salut des âmes libère la puissance de Dieu. Ces miracles sont précédés par un verset biblique qui dit « Allez, lorsque vous irez dans le monde, voici les miracles qui vont vous accompagner. » Est-ce qu'on peut me dire « Amen » ? Est-ce qu'on peut me dire « Amen » ? Est-ce qu'on peut me dire « Amen » ? Est-ce qu'on peut me dire « Amen » ? Est-ce qu'on peut ajouter « Amen » ? Est-ce que tu as déjà marché pour annoncer l'évangile? Est-ce que tu as déjà prié pour le salut des âmes? Il y a des moments où il faut rester à genoux. Non pas pour demander à Dieu son mariage, mes enfants, mon mariage, mes enfants. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent rester à genoux pour prier uniquement pour le salut des âmes. Jésus dit dans sa parole, voici comment vous devez prier. Vous direz, notre Père, que ton nom, que ton règne et que ta volonté. D'abord, toi, ton règne d'abord, ta volonté, ton nom. Après maintenant, donne-moi mon pain quotidien. Beaucoup de personnes sont dans, Seigneur, mon mariage, mes enfants, mes travaux. Dieu veut que vous puissiez d'abord commencer par ce qui concerne Dieu. Ce qui les concerne, avant de demander votre pain quotidien, vous êtes en train de demander votre pain quotidien alors que la volonté de Dieu n'est pas accomplie. La volonté de Dieu, la première volonté de Dieu, c'est ce qui se passe pour toi. Mais lorsque Dieu te sauve, il y a une deuxième volonté qui doit suivre. C'est sa volonté par toi. Sa volonté qui doit se faire. C'est toi le canal que Dieu va utiliser pour que sa volonté soit, se manifeste. La mission et le ministère. Bien-aimés frères, la deuxième manifestation de puissance, c'est ce qui s'exerce dans le cadre du ministère. Les dons spirituels. Écoutez, Dieu n'a pas envoyé les dons spirituels pour que ces dons s'exercent dans le monde. Les dons spirituels s'exercent dans l'église. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle de l'édification de l'église. Beaucoup de chrétiens se consolent. Pourquoi tu recherches la prophétie? Non, homme de Dieu, c'est pour sauver les membres de ma famille. La prophétie dans la nouvelle alliance, ce n'est pas pour sauver les âmes. C'est pour consoler les hommes, l'église, l'édifier et l'exhorter. La définition de la prophétie dans la nouvelle alliance, c'est pour édifier l'église. Ah. Homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi, pour que je reçoive les dons de prophétie qui se manifestent dans ta vie. Dans 1 Corinthiens, chapitre, le 14e chapitre, l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit ceci. Pendant que vous serez, je propose que vous soyez en train de prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire qu'un non-croyant vienne dans vos cultes. Ce n'est pas que vous êtes dehors et puis les non-croyants vous prophétisez sur lui. Non. Vous êtes à l'église. Et si le non-croyant vient à l'église, c'est alors qu'il peut bénéficier d'une parole prophétique. La prophétie, ce n'est pas d'abord pour ceux qui sont dans le contexte du monde, mais ceux qui servent à l'église. Dieu peut se manifester dans ta vie à condition que tu sois en train d'exercer ton ministère et d'accomplir ta mission. Voici maintenant, pour que ce que je suis en train de dire soit vrai, on doit voir cela dans la vie de notre Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, pendant que Jésus était dans les temples, il ouvre les livres. Pendant qu'il était en train de lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. L'onction, la puissance de Dieu est descendue dans le ministère de Jésus quand il était en train d'exercer son ministère dans l'église. Mais à quel niveau Jésus a accompli sa mission? Dans Actes chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui faisait quoi? Qui allait? Pendant que Jésus allait, Dieu a envoyé la puissance de son esprit. Jésus a exercé son ministère et a accompli sa mission. Écoutez maintenant. Beaucoup de chrétiens disent, ma mission, c'est éclairer les membres de ma famille, un trône de consolation. Je suis la lumière de ma famille. Vous savez quoi? Tous les chrétiens ont une même mission, mais qui ne s'exerce pas dans le même cadre. Nous avons tous la même mission, mais chacun l'exerce en sa manière. Mais l'objectif est le même. La mission de notre Seigneur Jésus, c'est la notre mission, c'est continuer la mission de notre Seigneur Jésus. Quelle a été la mission de notre Seigneur Jésus? Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans Jean chapitre 17, le verset 18. Je vous ai envoyé dans le monde. Non. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je vous ai aussi envoyé dans le monde. Pourquoi nous parlons de l'église corps du Christ? Parce que tout ce que Jésus était en train de faire, nous devons continuer la chose. Notre mission à tous, c'est détruire les œuvres de l'ennemi. Mais toi, tu seras en train de détruire les œuvres de l'ennemi dans ton travail. Quelqu'un d'autre sera en train d'utiliser la chose dans sa famille. Une autre personne, ça sera dans son école. Quelqu'un d'autre, ça sera dans son église. Mais nous tous, notre mission, c'est continuer la mission de notre Seigneur Jésus. Homme de Dieu, pourquoi la puissance ne t'accompagne pas? Parce que tu exerces seulement ton ministère. Mais tu n'accomplis pas ta mission. Et Dieu ne peut pas te donner la puissance. Lisez l'histoire des hommes. Lisez l'histoire des hommes qui ont fait marcher les paralytiques. Vous verrez beaucoup plus. Pendant que ces personnes ont organisé des croisades, les paralytiques ont commencé à marcher. J'ai lu l'histoire de l'église et j'ai vu à quel niveau l'onction a commencé à s'arrêter. Parce que l'église a commencé à travailler pour garder les fidèles uniquement dans l'église locale. Beaucoup de personnes n'ont plus les fardeaux des âmes. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus inviter les gens à venir dans nos églises. Mais nous ne voulons pas leur parler de notre Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes ont du mal à parler de Jésus. C'est ainsi que la puissance devient rare. Vous voulez que la puissance se manifeste aujourd'hui, les jours de la Pentecôte. Exercez votre ministère et accomplissez votre mission. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour vous, afin que sa puissance revienne comme autrefois. La puissance s'est arrêtée par manque d'enseignement de comment la puissance opère. Beaucoup de personnes qui ont manifesté la puissance n'ont pas suffisamment enseigné pour que cette dimension demeure. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup de fanatiques à l'église. On a moins de disciples. Beaucoup de personnes ici, si tu lèves, tu dis à une maman, « Maman, lève-toi, récite au moins 4 versets de la Bible. » Tu verras, elle n'a pas ces versets de la Bible. Aucun verset de la Bible. Mais quand on dit « Maman, on va envoyer les feux. » Oh, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. J'ai beaucoup prié dans ma vie, mais le Seigneur ne me donnait pas la chose. Un jour, j'ai fait un long jeûne. Je suis allé à la montagne en train de prier. J'ai supplié Dieu. Seigneur, donne-moi. Tu m'as dit. Dieu, pendant que je dormais, il me montre l'être humain qui était en train de manger de la saleté. Me dit la puissance se cache derrière cet homme. Je n'avais pas compris. J'ai continué à prier. Seigneur, je veux être comme tel. Je veux être comme tel pasteur. Un autre jour, il m'a dit, exerce ton ministère et accomplis ta mission. La puissance de Dieu va t'accompagner. J'ai saisi la parole. J'ai cherché dans la Bible et j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes sont impuissantes. Parce que dans tout ce que vous faites, le nombre de chorales qu'il y a ici, si chaque personne peut accepter maintenant de travailler pour la mission, cette église va déborder. Vous savez que jusque-là, il y a beaucoup de païens que les chrétiens. Le nombre de personnes qui restent à la maison le dimanche est encore très élevé que le nombre de personnes qui viennent à l'église. Vous le savez? Tout simplement parce que vous n'accomplissez pas votre mission. Si cette année termine sans que tu ramènes au moins 2 personnes au Seigneur, tu as échoué. Ne dis pas à Dieu, mon mariage traîne. Toi-même, regarde les manques de volonté que tu as en ce qui concerne les âmes perdues. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Pour finir, il y a une personne qui s'est dit, prophète, moi je sers à l'église et j'évangélise, mais je ne manifeste pas de puissance. J'ai une réponse pour toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi malgré que tu sais, malgré que tu exerces ton ministère et accomplis ta mission, tu ne vis pas la chose? Une seule raison. Tu parles à Dieu au lieu de parler aux situations. Dans la matière de puissance, on ne parle pas à Dieu, on parle aux situations. Beaucoup de chrétiens se limitent à ce niveau. Un chrétien parle à Dieu pour recharger une dimension. Mais devant la situation, il faut parler à ces situations. Écoutez bien, aimé frère. Jésus, dans Jean chapitre 11, les versets 40 jusqu'au verset 48, il se retrouve devant une situation où il devait démontrer sa puissance. Jésus se retrouve devant Lazare qui était mort. Jésus ne dit pas, oh Dieu, je prie que tu ressuscites Lazare. Jésus parle à la situation, toi Lazare, sors. C'est alors que Lazare est sorti. Ton problème c'est que Dieu, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais toi quand tu imposes les mains aux malades, tu commences à prier encore à Dieu. Dieu t'a donné la puissance pour que tu agisses. Mais si tu ne sais pas exercer ton autorité, tu ne peux pas manifester la puissance. Beaucoup de personnes ne manifestent pas la puissance. Non pas parce que vous manquez de puissance. Tout simplement parce que vous ne voulez pas prendre les risques de parler. Vous ne voulez pas parler. Jésus se retrouve dans la barque. Tous les disciples sont en train de pleurer. Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir. Alors que la tempête était en train de menacer. Pendant que Jésus s'élève, Jésus menace les vents. Il dit, vent, arrête-toi. Il ne dit pas, Seigneur, je t'ai pris d'arrêter les vents. C'est Jésus qui a parlé. Devant cet homme assis dans la piscine de Bethesda, Jean 5. Jésus dit à cet homme, toi, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne dit pas, Seigneur, j'ai pris que tu guérisses cette personne. Toi, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu sais pourquoi ton célibat ne te quitte pas? Parce que tu parles à Dieu, tu ne parles pas à ton célibat. Devant les démons, on ne parle pas à Dieu, on parle aux démons. Jésus a ordonné aux démons de quitter. Jésus a parlé aux situations et ces situations, ces choses ont obéi. Tu exerces ton ministère, c'est bien. Tu accomplis ta mission, c'est bien. Mais tu ne sais pas parler aux choses qui sont devant toi. C'est ainsi que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Pourquoi? Parce qu'il savait que la connaissance vous donnera accès à la manifestation des dons spirituels. C'est la puissance, c'est la connaissance qui vous donnera accès aux choses dont vous avez besoin. C'est soit, si tu veux, manifester la puissance de Dieu. Dieu t'a déjà donné la chose. C'est à toi d'agir. C'est à toi de parler. C'est à toi de parler. Dieu s'est reposé pour que l'homme soit en train de nommer les animaux. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme dit, toi, on t'appellera lion. Et ça correspond à ce que Dieu voulait vraiment. Bien-aimés frères, nous sommes en train de dire, je suis créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mais quand il faut agir, les hommes reculent. Waouh! Je sens qu'on va changer beaucoup de choses en ce lieu. Je parle sur toi au nom de Jésus. Que cette situation qui est restée depuis les années passées, je parle à cette situation au nom de Jésus-Christ. Wow. Que tes business prospèrent au nom de Jésus. Que tes entreprises prospèrent au nom de Jésus. Que ton église monte au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a une santé divine en ces lieux. Il y a une santé divine en ces lieux. Beaucoup de personnes vont quitter ces lieux en étant guéries. J'ai bien déplié l'habit de médecin sur ta vie. Oh. Wow. Aujourd'hui, ce que les médecins t'ont dit, toi tu vas emprunter au nom de Jésus. Tu vas emprunter au nom de Jésus. Tu vas emprunter au nom de Jésus. Il a dit que tu accoucheras par la douleur et non par césarienne. Il n'a pas dit que tu accoucheras par césarienne. J'ai bien parlé sur toi. Toi qui es en train de vivre ces choses. 09 77 77 77 57. La personne est là-bas. La personne ne peut venir. C'est ton numéro, tu viens. 09 77 77 77 57. Ton numéro de téléphone sera utile à partir de maintenant. Je viens parler aux personnes qui t'ont promis des choses et qui t'ont oublié. Les livres des souvenirs vont s'ouvrir. Beaucoup de personnes vont manquer sommeil à cause de toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse manquer sommeil à toute personne qui te doit quelque chose. Et qu'un banc de souvenirs souffle en cellule. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu ce numéro de téléphone. Mais pendant que je demande au Seigneur qu'est-ce qui se passe, Dieu me dit, dans ta vie, tu as connu beaucoup de problèmes dans le domaine financier. Et j'étais vous en train de fournir beaucoup d'efforts. Et pendant que tu fournis ces efforts, j'étais vous en train de prier, en train de demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. J'étais pu lancer une société, mais qui cadre dans le domaine événementiel. Et j'étais vous dans le domaine événementiel. Mais ce domaine n'évolue pas comme il se doit. C'est ainsi que tu as lancé autre chose dans le domaine de la sécurité. Et j'ai vu une entreprise qu'on appelle Abeille. Société Abeille Sécurité Service. Mais malgré que tu as lancé la chose, au début, il y avait beaucoup de promesses liées à cette société. Mais tu sens que tu ne sais pas avancer, bien que tu aies lancé la chose. Dieu me dit une seule chose. Il t'a manqué une puissance suffisante pour libérer les provisions financières. Il y a beaucoup de contrats qui sont en train de te rechercher. Mais tu ne savais pas bénéficier de cela, tout simplement parce que tu n'as jamais parlé. Première chose, le Seigneur veut que tu quittes le domaine événementiel. Parce que ça sera en train de te faire perdre ton temps. Tu n'es pas créé pour décorer. Tu n'es pas créé pour organiser des mariages. Mais tu es créé pour opérer dans le domaine de la sécurité, comme tu as créé. C'est là que tu dois mettre ton énergie. À chaque fois que tu seras en train de prier pour beaucoup de choses au même moment, tu seras en train de gaspiller la puissance qui doit se canaliser sur une seule chose. Et le Seigneur, wow. Ketia, c'est ta femme, elle est où? Elle est à la maison. Les femmes qui restent à la maison. Oh. Vous savez quoi? Il y a un homme qui partait tous les jours devant le temple, dit la belle. Si cet homme avait raté ce culte-là, il pouvait rester paralytique. Un culte peut te faire rater 10 ans de ta vie parce que tu as raté un culte. Beaucoup de personnes ignorent le monde spirituel. Vous ignorez ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ces lieux. Vaut mieux rester dans un temple parce que tu ne comprends rien, que rester à la maison parce que tu prétends être fatigué. Il y a une activité spirituelle qui se passe en ces lieux. Beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre, c'est la conséquence de nos moments de prière de 10 ans passés, alors qu'on était en train de comprendre rien qui s'est passé. Seulement que le Seigneur te bénisse là, qui nous soutienne aujourd'hui. Je prie pour toi, toi qui es venu. Que le Seigneur te donne ton miracle au nom de Jésus. Qu'il te donne ton miracle au nom de Jésus. Qu'il te donne ton miracle au nom de Jésus. Dans les 4 mois qui arrivent, je te vois. Sur ces numéros que j'ai cités, on va t'appeler. pour que tu signes un grand contrat ici, dans le domaine de la sécurité. Je te vois avoir une passion dans le domaine des boxes. Tu es boxeur? Non. Mais tu aimes ça? Tu aimes ça? Tu suis beaucoup la boxe à la télé. Dans les 4 mois qui arrivent, tu vas témoigner le Seigneur. Tu vas témoigner sa fidélité. Quitte les domaines événementiels. Reste dans la sécurité. Là, tu vas témoigner. Les dieux de la source féconde. Dieu me dit de te dire, ce message qu'il a donné est aussi pour toi. De la même façon, tu t'investis dans le ministère. Gagne les âmes. Wow. Pendant que je demande au Seigneur, pourquoi j'ai bu les 4 mois qui arrivent, pourquoi il t'a choisi, Dieu me dit à cause d'une seule chose, association aidant les pauvres. Tu connais? C'est quoi? Tu peux utiliser le micro comme ça, tu vas édifier les autres. On peut ouvrir pour lui son micro. Je ne fais pas les spectacles. Mais quand on écoute, ça peut édifier quelqu'un que Dieu parle réellement. Oui. C'est une entreprise que nous faisons avec un de mes cousins qui a commencé en 2019. À l'époque où on avait annoncé le confinement. Les problèmes, c'est à quel niveau? La chose, vous l'avez créée pour aider les démunis. Mais les objectifs ont changé. C'est maintenant autre chose. C'est la chose qui fait que vous avez aidé, mais après vous n'aidez plus. C'est la raison qui explique les blocages autour de votre vie financière. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le point de redémarrer. Mais le Seigneur veut que l'orphelin, que les pauvres, soit nourri. Tant que vous serez en train de donner l'aumône, vos entreprises vont monter. Wow. Pendant que je suis en train de parler, je vois également. Wow. La montagne où on était. Ok. Sur l'avenue Kampoupi, numéro 92, j'ai vu quelque chose là-bas, une activité là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce une activité sur l'avenue Kampoupi numéro 92? Une activité. Qui? Je peux avancer? Je ne sais pas si je peux. L'avenue Kampoupi, c'est là que mon cousin là, a une église, mais je ne connais pas le numéro. Non. Ce que j'ai donné, il y a une personne ici. Ok. C'est une activité de pharmacie. Il est là. Dodi Pharma. On peut donner le micro. C'est quoi? Dodi Pharma. Tu connais cette adresse? Oui. C'est là que vous exercez? Oui. À qui appartient? C'est une activité que j'ai faite pour madame. C'est une entreprise que vous avez créée pour une madame? Pour ma femme. Pour votre femme? Oui. Sophie? Oui. Maintenant, pourquoi n'est Dodi? Dodi, c'est ma fille. C'est ma première fille. Ah, Dodi, c'est votre première fille? Oui, oui. Ok. Pourquoi j'ai vu cet endroit. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu 2 choses arriver au même moment. Première chose, j'ai vu la semaine qui va commencer. J'ai vu comme quelque chose qui se passe, comme un feu qui s'allume là-bas. Et je vous vois en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tous les médicaments que vous avez payés ont pris feu. Dieu me dit, c'est une activité du monde des ténèbres pour vous faire pleurer. Parce que je vous ai vu dans le passé, essayez beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, la source des revenus très forts que vous avez pendant ces temps ici. C'est cette pharmacie. Certes, vous avez aussi un truc là de production, de musique et tout. Oui. TDC Production. Ok. Mais cette chose-là ne donne pas comme il s'est dit. Vous avez même vendu des pianos, ça n'a pas marché. Vous avez ouvert un salon de coiffure, ça n'a pas marché. On est ensemble? Oui, oui. Et j'ai vu le monde des ténèbres travailler alors que vous avez commencé votre pharmacie pour envoyer quelque chose. Ce n'est pas une incendie physique, mais c'est très spirituel. Dieu m'a dit de vous appeler dans cette atmosphère pour arrêter la chose. Amen. Sanamadjou. Wow. 0,990, 436, 825. C'est mon numéro de téléphone. C'est ton numéro. Ok. J'ai vu on t'appelle sur ces numéros, mais pour deux choses. On t'appelle pour annoncer la bonne, la mauvaise nouvelle que nous allons arrêter ce soir dans cette atmosphère prophétique. Amen. Mais pourquoi la mauvaise nouvelle voulait venir avant? Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui doit également venir. Amen. Dans les 6 jours qui arrivent, je te vois venir ici en train d'adorer Dieu. Amen. À cause des choses qu'il va faire. Écoute, dans ce quartier, il y a une activité angélique qui va se passer à partir de maintenant. Les bandits qui devaient venir ce soir, ils ne vont pas voir votre pharmacie. Amen. Que ta maison soit invisible au nom de Jésus. Que ta maison soit invisible au nom de Jésus. Que ton bureau soit invisible au nom de Jésus. Je rends aveugle toute personne qui te veut du mal au nom de Jésus. Toute personne qui te veut du mal au nom puissant de Jésus-Christ. Ton quartier sera sécurisé à cause de ta présence. Ton avenue est sécurisée à cause de toi. Dans cette atmosphère prophétique, aucun bandit ne viendra dans ta maison. L'insécurité ne sera plus citée dans ta bouche. Parce qu'il y a une sécurité divine qui va se passer en cellule. Tu ne vas pas échouer. Amen. Tu vas réussir à cause de l'œuvre de Dieu. Dieu me dit de te bénir. Ta vie ne restera plus la même après ce culte. Amen. Ta vie vient de changer maintenant. Amen. Cette pharmacie que tu as ouverte, j'ai vu beaucoup d'extensions se créer. Et j'ai vu cette pharmacie devenir une marque ici à Likasi. Toi qui as échoué, tu ne vas plus échouer. Dis-moi amen très bien. Ton amen peut activer quelque chose. Dis-moi amen au nom de Jésus. Tu ne vas plus échouer au nom de Jésus. La prophétie peut te rater, mais les paroles libérées dans l'atmosphère. Dieu est derrière les paroles, les paroles, les paroles. Tu ne vas plus échouer au nom de Jésus. La malédiction ne sera plus ton partage. J'ai bien parlé sous l'onction de mes pères ici en ces lieux. Que le Seigneur t'honore cette année. Les choses que tu as ratées, les années passées, vont revenir vers toi en cette année. Après ce moment de prière, prends 2 jours. Ne demande rien. Adore. Adore. À cause des victoires que le Seigneur vient de t'accorder. À cause des victoires que le Seigneur vient de t'accorder. Il y a une santé divine en ces lieux. Vous savez quoi? Je ne me souviens pas les jours où je suis allé à l'hôpital. Je ne tombe jamais malade. je ne me rappelle pas la dernière fois que je suis allé à l'hôpital. Quand je vous parle de la santé divine existe. La prise en charge de Dieu, Dieu prend ta santé en charge. Je déclare divorce entre toi et les médicaments au nom de Jésus. Divorce entre toi et l'hôpital au nom de Jésus. Divorce entre toi et les médicaments au nom de Jésus. Come on. Wow. Vous allez partir, le papa va prier pour vous. Il va prier pour vous. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Il a mille moyens de délivrer son peuple. Pendant que tu balances la main là, pendant que tu balances ta main là, pendant que tu balances ta main là, Déborah est là-bas. Viens. Non, là-bas. Kumwimba. Viens. Tu la connais? C'est qui? C'est ta sœur. Tu peux venir. Lucien est où? Il est à la maison. À Calémy. Christelle. À Calémy. Le 5 mars. Tu dis quelque chose? Tu es né le 5 mars. Pourquoi je vous appelle ensemble? Le Seigneur me dit de vous dire. Il veut faire de vous un témoignage au sein de votre famille. Tu es connecté à un mining? Tu es connecté à une entreprise minière? C'est une quelle entreprise? TFM. Parce que je te vois être habillé en, comment on appelle ça? Les vestes là, les personnes qui travaillent là. Mais il y a un problème. Parce que depuis que tu as trouvé ton travail, tu t'excuses beaucoup en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où tu étais disponible, mais tu t'es rendu indisponible face à l'œuvre de Dieu. Et je te vois retarder l'épanouissement de ta vie financière, de tes promotions dans cette entreprise. C'est Dieu qui est en train de te combattre. Parce que le Seigneur a besoin de toi dans son œuvre. Dieu me dit de te dire, la résistance autour de toi, les blocages autour de toi, c'est parce que tu commences à t'excuser alors que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Le Seigneur veut que tu continues les services. Dieu te juge capable de travailler et de servir au même moment. Mais si tu commences à privilégier le travail, Dieu va arracher le travail. Parce que par les micros que tu tiens, Dieu a prévu de délivrer beaucoup de personnes. Tu es un canal de délivrance au moyen des chants que tu seras en train de chanter. Et c'est la chose qui fait que si tu ne prends pas au sérieux les messages que je te donne, je te vois retourner dans le chômage. Et cela peut te coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Le Seigneur veut que tu rentres dans son service. De la même part. J'aime orienter l'église. ...90% des chrétiens ne sont pas bloqués par le diable, mais par la négligence. Beaucoup de personnes subissent des oppressions à cause de la négligence. Avant de dire, Dieu, est-ce que tu, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dis d'abord, Dieu, quels sont tes principes auxquels je refuse d'obéir? Beaucoup de personnes désobéissent à Dieu C'est ainsi que vous êtes en train de vivre des blocages. Toi maintenant, pourquoi je t'appelle? Pendant que tu étais en train de balancer la main, j'ai vu quelque chose s'écrire. J'ai vu une alliance tomber. Et je te voyais, pendant que tu balançais la main, l'alliance était en train de tourner. Et plus tu balançais la main, l'alliance était en train de tourner. Et plus tu balançais la main, l'alliance était en train de venir. Mais plus tu continues à balancer la main, j'ai vu cette alliance descendre jusque là. Dieu me dit de te dire, les blocages autour de ton mariage viennent de tomber pendant que tu étais en train de balancer les mains. J'ai vu un mariage d'honneur venir dans les temps qui arrivent. J'ai vu beaucoup de blocages qui étaient attachés à ta vie. Je te vois en train de vivre comme une répétition des choses qui se passent au sein de la famille. Mais le Seigneur vient de te faire sortir de ce système. Il veut faire de toi une exception pour que ta victoire soit une évangélisation pour les membres de ta famille. Et le Seigneur me dit, de la même façon tu balançais ta main, il vient de t'accorder ta victoire. Je prie pour toi, de la même façon tu balançais, de la même façon tu balançais, de la même façon tu balançais, de la même façon tu balançais, que le Seigneur te donne la chose dont tu as besoin. Dis-moi amen très fort. Ajoute amen très fort. L'onction partait dans la maison de Jaïrus. L'onction qui partait là-bas, c'était l'onction de la résurrection. Cette femme n'avait pas besoin de la résurrection. Elle avait besoin de la guérison. Mais pendant que l'onction de la résurrection était en train de partir, elle a arrêté la chose au moyen de sa foi. L'onction du mariage peut être en train de partir dans la direction de Déborah. Mais toi, tu n'as pas besoin du mariage, tu as besoin de la stabilité financière. Au moyen de ta foi, tu peux arrêter la chose. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux ajouter amen? Est-ce que tu peux ajouter amen? Est-ce que tu peux ajouter amen? Est-ce que tu peux ajouter amen? De la même façon, tu dis amen. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la chose au nom de Jésus. De la même façon, tu es en train d'acclamer que la mort te quitte. Que la mort te quitte. Les paroles que je libère sont une provision pour les générations, pour les générations, pour les générations. Par le pouvoir que le Seigneur m'a donné, je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas un échec. Tu es une réussite. Et tu vas réussir. Que la réussite t'accompagne dans tous les domaines au nom de Jésus. Tu peux te lever. Ma gloria est où? Tu peux venir, on va chanter le Seigneur. Oui, regarde le piano. Wow, attendez. Nien Dembélé. Come on. Uniwezeshe kila siku nyende mbele nyende mbele. Commence maintenant à prier. Là où il faut ordonner, ordonne. Là où tu veux la puissance, dis à Dieu, donne-moi la puissance. Si tu as besoin du courage, dis à Dieu, donne-moi le courage pour que j'accomplisse ma mission. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ragabasi vidiva sope. Du lever du soleil. Kamasika tabaya sope. Rukamasika tabaya maseta. Ruke masika tabaya. Luma sakatabaya. Reka masika tabayento. Lunge sikatabaya. Lunga si mateva tumboloko atambwe. Lunge sikitivia tambo. Ragaga sikatabayambe sabo. Sikeo kambulungutu wakambe. Ruga basika tabaya. Rekaba na mana mana mana mana. Rekaba zite. Mando roko boshanda la dabaya. Mando lukutukutu wabakande tepe. Lunge zika. Come on. Encore deux minutes. Est-ce qu'on peut saturer ces lieux? Si tu pries en esprit, commence à monter. Est-ce qu'on peut saturer en ces lieux? Est-ce qu'on peut saturer ces lieux? Est-ce qu'on peut saturer ces lieux? Est-ce qu'on peut saturer ces lieux? Zakatabayante po. Zukatabayante po. Kema Zakatabaya, sonnerie du ciel. Kama Zikatabaya. Come on. Kima Zukutu kutu kutu kutu kutu bakambe. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Hier on nous a prêché comment recevoir la puissance. Il faut la chercher. Il faut la chercher. Kamasa katabaya. Ragabasita katabaye. Rukamasi katabaye. Rekama mama mama mama mama mama. Ragamasi katabaya. Rekabada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada. Rekamasite. Lukatabaya. Masukatabaye. Lunge zikatabaya. Longa zimo. Lunga zakatabaya. Wange zimo. Wange zimo. Wange zimo. Wange zimo. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Wow. Maman Rose, vous avez votre téléphone avec vous? Écrivez-moi ce numéro. À qui appartient le numéro? C'est votre grand frère. acolytes. C'est un grand frère. C'est votre grand frère, cousin. Il est à Lubumbashi ou ici? À Kolwezi. Il est à Kolwezi. C'est Pierre? C'est Pierre. Alors qu'on était en train de prier, je l'ai vu, j'ai vu ses numéros de téléphone. Mais je les vois en train de vendre des... Vous voyez, quand on est à la poste, les gens là qui vendent les choses là un peu vertes comme ça. Mais comment on appelle ça? Je n'entends pas. Il les fait? À la Gécamine. Il travaille à la Gécamine. Mais je l'ai vu en train de faire les choses là. Vous ne savez pas. Vous allez vous renseigner. Il y a un complot de mort contre sa vie. Mais j'ai vu cette semaine qui va commencer. On l'appelle comme pour livrer ce que j'ai vu là, pour livrer ça. Mais pendant qu'il part, j'ai vu, on l'a enlevé. On est parti avec lui. Le Seigneur me dit de vous dire, parlez à cet homme, Banza. Il s'appelle Banza, non? Et il porte le nom de votre famille. Le nom de votre famille, c'est quoi? Kanzila. Mon Kanzila. Kanzila. Parlez à votre cousin cette semaine. Si on l'appelle pour livrer ces choses-là que j'ai vues, qu'il ne parte pas, c'est un complot. Des morts, parce que j'ai vu à la fin de toutes choses, il va perdre sa vie. Mais le Seigneur ne veut pas que cela arrive. Mais sa solution n'est pas dans la prière. La solution est qu'il ne parte pas. Si pas, ça sera très compliqué pour lui. Okay. Patrick, c'est qui? Mon grand frère. C'est votre grand frère. Il est où? À Kolwezi. Il est à Kolwezi. Maman Rebecca. Sa femme. C'est sa femme. Alain. Mon grand frère. C'est votre grand frère. Eric. Mon frère. C'est votre frère. Grand frère. Votre grand frère. Mamous. Mamous. C'est qui? Ma grande sœur. C'est votre grande sœur. Et puis votre frère qui est là, vous-même aussi vous êtes là. C'est bon? Pendant que je demande au Seigneur pourquoi j'ai vu toutes ces personnes, je commence par Patrick. Je les vois en train de se questionner beaucoup par rapport à sa vie financière. Et la même chose que Patrick est en train de vivre. Patrick est en train de vivre. J'ai vu toute la famille en train de se poser les mêmes questions. Il y a comme une forme de blocage dans le domaine financier qui accompagne tous les membres de la famille. Et je vous vois en train de vous questionner face au même sujet. Et le Seigneur me dit de vous dire, la solution à votre vie financière, c'est une prière familiale. Le Seigneur veut que vous puissiez commencer un programme de prière où vous serez en train de prier tous ensemble en faveur de votre vie financière. J'ai vu dans les calendriers de Dieu, pendant ce temps ici, le Seigneur a prévu visiter votre famille financièrement. Mais la chose qui va activer cette dimension, c'est une prière que vous allez faire, une prière collective. J'ai vu beaucoup de personnes en train de prier, chacun prie chez soi. Mais comme le blocage est venu ensemble, le Seigneur veut que vous puissiez prier ensemble. C'est alors que vous allez vaincre la chose. Je ne veux pas trop dire le diable et le diable et le diable. Je vous parle de la solution. Beaucoup de choses se sont passées. Mais le Seigneur me dit, aujourd'hui, à la Pentecôte, Dieu vient de vous donner des victoires. Amen. Mais pourquoi le Seigneur veut que vous puissiez prier ensemble? C'est pour que la chaleur pour que ce que vous avez reçu, que les autres en bénéficient également. Pourquoi? Parce que si vous seul cherchez Dieu pendant ces temps ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un déséquilibre, la balance sera déséquilibrée. Ce qui fait que ceux qui ne vont pas avancer seront une charge pour ceux-là qui vont prospérer. C'est ainsi que le Seigneur, pendant ce temps ici, il veut visiter toute la famille pour que chacun soit en train de poursuivre sa mission et son ministère. Ici, ce n'est pas d'abord le problème de la vie chrétienne, c'est un problème de l'héritage spirituel. Beaucoup de personnes vont bénéficier de ces moments de prière parce que votre Dieu sera le Dieu des autres. Le Seigneur veut faire bénéficier à tous les membres de votre famille les bénéfices de votre Dieu. Et la semaine qui commence, Dieu veut que vous puissiez prendre un programme de prière. Bon, après ici, on va parler, je vais vous donner les détails de comment les choses vont se passer. Mais lorsque vous allez finir, dans votre vie, dans la vie de votre jumeau, dans la vie de toutes ces personnes, vous allez remarquer la main de Dieu sur vous. Et aucune personne ne pourra arrêter cette saison. Aucune personne ne pourra arrêter cette saison. Vous n'allez plus prier pour la vie financière, vous allez prier pour autre chose. S'il y a une requête qui ne sera plus dans votre bouche, ça sera la requête liée à la vie financière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai tellement débordé. On peut se lever. Je vais faire la prière. Après, je vais remettre la parole à papa. Pendant deux minutes, Seigneur. Ne demande pas, mais adore Dieu. Pendant deux minutes. Pendant que j'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois libérer la chose? Le Seigneur m'a dit non, que l'Église adore. C'est la clé que je vous donne pour la manifestation de la puissance qui va accompagner son Église. Toutes les paroles que j'ai libérées ce soir, même si je n'ai pas prophétisé sur toi, tu vas témoigner. Adore Dieu de manière prophétique pour ce que tu crois qu'il va te donner après ce culte. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes. Je demande seulement aux élèves de rester debout, les élèves. Nous prions pour eux et commencent les examens demain. Les élèves restent debout. Les élèves qui sont là, vous avez choisi de chercher Dieu. Et que le Dieu que vous êtes venu chercher en ce lieu vous accompagne pendant vos examens. Faites votre part. Dieu fera sa part. Seigneur, je prie. Au nom de Jésus. Pour tous nos enfants qui commencent les examens demain. Que toutes les forces des ténèbres soient annulées sur leur vie. Qu'ils soient forts. Que leur intelligence soit renouvelée. Que les professeurs qui vont corriger leurs copies soit dans de bonnes dispositions. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Levez les mains. Tel que vous êtes assis, on va terminer par là. Remercie le Seigneur. J'invite le pasteur Congolo, il va nous bénir avant de nous séparer. Et pendant que nous nous séparons, j'invite tous les hommes de Dieu, tous les invités, juste pendant quelques minutes, nous atterrissons, je crois, à la salle de fête, juste pour 15 minutes, 20 minutes. Le temps